explosif comme un volcan actif. D'apparence calme, j'ai les nerfs dans un préservatif. Faut que je me calme sous un orage de plomb. Rappelons-nous l'époque où je planquais un glock au cas où le malin passe toc toc. Fais le malin, mon man, la vie tourne comme un moulin. Les gens atteignent l'orgasme entre l'esco et moulin. Autour de moi, ça fantasme sur mes défaites. Il est bien loin le temps où les keufs roulaient en estafette. Ce soir, c'est la fête. Planquez-vous ce soir, je laisse sortir la bête. Je sais, je suis sombre et sarcastique. Mon nom m'étouffe dans un sac plastique. Je sais une couleur sombre, je sais et je trouve ça fantastique. Sans emploi et sans une thune, on me voit comme un incapable. Occupe-toi de ta vie avant de voir la mienne inculpable. De meurtre au premier degré, au premier regret. Je reprends la haine de force ou degré. A chaque seconde, ma face cachée se révèle et gronde. La bête fait sa ronde sur mes ongles, je rôde. Autour du monde, ça fait mes ongles en griffe, j'kiffe. Ma haine est un dangereux produit, fait maison en saison riche. J'me sens explosif. Comme une grenade dans un jardin d'enfants, la bête a faim et ce n'est pas une métaphore. J'me sens explosif. Comme une bombe dans un centre commercial, tout péter serait si appréciable. J'me sens explosif. Comme une grenade dans un jardin d'enfants, la bête a faim et ce n'est pas une métaphore. J'me sens explosif. Comme une bombe dans un centre commercial, tout péter serait si appréciable. L'humeur du jour n'est pas à festoyer. De nuit comme de jour, la bête le sort de son foyer. Voyez, je deviens aliéné, lié au fou, mon talent devient inné, miné par l'époque de Bernard Minet. Je me sens explosif, j'ai le cœur trop impulsif. Je me sens sale malgré que ma conscience pulsif. En ce moment j'ai plus que les nerfs à cran. Je défie n'importe quel plan, la bête s'élève d'un cran. Yeah.